On va recommencer nos chroniques avec le camp d'entraînement des Saguenay de Chicoutimi. On va parler avec notre le descripteur des matchs des Saguenay, Sébastien Morin. Salut Sébastien. Salut Danny. Sébastien, c'est le début aujourd'hui. Je pense que les vétérans arrivent aujourd'hui, mais c'est le tournoi des recrues en fin de semaine. Et je pense qu'il y a un gars qui s'est quand même bien démarqué, c'est Maxime Desgagnés, hein? Mathieu Desgagnés, Mathieu Desgagnés, effectivement, qui s'est bien démarqué avec Samuel Houde aussi, qui était sur le même trio, puis Vincent Lapalme. Trois gars qu'on pourrait certainement voir dans l'alignement des Sags la saison prochaine. Ont été les meilleurs marqueurs, les gérants de l'attaque du côté des Sags pendant le tournoi des recrues, qui a été un succès, je dirais, sur le plan hockey pour les Sags. Trois victoires en autant de matchs. Une très belle performance des hommes de Jean-François Jolin, qui était derrière le banc comme entraîneur-chef pour le tournoi pendant qu'Yannick Jean faisait l'évaluation de ses petits poussins qui étaient sur la patinoire du haut des estrades pour les trois matchs du tournoi des recrues. Un beau succès et sur la patinoire et hors glace aussi, une belle réponse de la population du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ben oui, j'ai vu ça d'ailleurs, puis je pense qu'on veut même récidiver un peu l'an prochain. Il y avait du monde pas mal, hein? L'an prochain, on va essayer de faire mieux de ce côté-là. Il y avait une très bonne foule. Je pense qu'on peut dire que c'était les meilleures foules des quatre tournois, pardon, qui se déroulaient aux quatre coins de la Ligue de hockey junior majeur du Québec et dans les Maritimes. Ça, c'est vraiment une belle, belle faveur que nos partisans nous ont fait. Il y a aussi des gens de Québec, de Baie-Comeau, de Rimouski qui sont venus passer quelques jours dans la région. Tu sais, économiquement, il y a eu aussi du positif de ce côté-là. C'est une fin de semaine où ça commence à être un peu plus tranquille touristiquement. Le beau temps nous a un peu été, je dirais, dans le rayon de la compétition parce qu'il a fait beau les trois jours du tournoi des recrues ici à Chicoutimi pendant que ça se déroulait. Mmh. Mais quand même, un gros merci à la population. Près de 3000 spectateurs en trois jours. Pour des recrues, des joueurs qui étaient inconnus à peu près de tous. Vraiment merci. Puis on va essayer de faire mieux et de récidiver pour la saison prochaine, je pense. On va faire un post-mortem avant de se commettre pour la saison prochaine. Mais si c'était rien que de moi, là, j'embarquerai demain matin pour réorganiser ça pour l'année prochaine. Tu as parlé de Québec. Mais notre collaborateur, ben mon collaborateur hockey, Marc Fortier, faisait un retour derrière le banc. Puis je pense que Marc a bien apprécié ça, hein? Oui, il avait l'air que tu sais Marc Fortier a vécu de hockey depuis sa jeunesse. Je veux pas le traiter de vieux, mais ça fait longtemps qu'il est dans le hockey. Marc est derrière un banc ou dans une organisation, se sent comme un poisson dans l'eau. Puis je pense qu'avec les Remparts de Québec, peut connaître du succès. Ça peut être un bon fit avec comment il s'appelle, Philippe Boucher. J'ai parlé pendant les trois derniers jours. Excuse-moi, ça a été une grosse semaine. Puis tu sais, Marc Fortier, c'est de l'expérience. C'est pas juste la technique du hockey. Marc, c'est les anecdotes qu'il va raconter aux jeunes. C'est l'inspiration qu'il va donner à ces jeunes-là quand ils vont montrer des vidéos quand il accrochait Mario Lemieux dans sa carrière de la Ligue nationale, quand il portait le chandail des Nordiques. Tu sais, ça ne peut qu'inspirer les jeunes Remparts, puis ils vont en avoir besoin, puis ça sera pas une saison facile du côté de Québec. Allez, parle-moi de Jean-Simon Bélanger qu'on va avoir en entrevue. Jean-Simon Bélanger qui est un gars d'ici, du Haut-du-Lac, de l'Adoré. Lui, c'est une année importante. Il est en uniforme pour le tournoi des recrues. Comment il s'est comporté? Très bien. Il devait dominer sur la patinoire à son âge, 18 ans. C'est, comme tu l'as dit, peut-être sa dernière chance de se commettre avec les Sags cette saison. Je pense qu'il a très bien fait. Deux matchs sur les trois, très bien. L'autre, ça a bien été, mais il aurait peut-être pu en donner plus. Je pense que les entraîneurs lui ont peut-être passé un message. Pour ce qui est du reste du camp, il devra être quasiment parfait, mais il y a de la place dans les attaquants des Sags cette saison. Il y a quelques trous dans l'alignement, mais il va falloir qu'il chausse des grosses chaussures. Il va falloir qu'il réussisse à suivre un gars comme Nicolas Roy ou encore Dimitri Zoukinov pour espérer se tailler un poste avec les Sags. Mais les quelques matchs qu'il a disputés avec les Saguenayens l'an passé, j'ai bien aimé quelques flashs qu'il avait du côté de l'attaque. C'est sûr qu'il devra être un peu plus responsable défensivement. Mais s'il veut, il y a un entier qu'à lui, je pense, de se tailler un poste avec les Sags cette saison, c'est-à-dire de tout laisser pendant les quelques jours cette semaine. C'est assez court, mais on verra ce qui va se passer dans son cas. Je lui souhaite la meilleure des chances. C'est un gars de la place. Ouais. On a besoin de des gars comme ça dans l'organisation des Sacs, ça c'est sûr. Il va être là vendredi à Robertval. On a parlé beaucoup de Louis-Philippe Simard, de Samuel Girard, mais il devrait être là vendredi à Robertval aussi, lui. Écoute, le gars de marketing en moi et dans les promotions veut que Yannick Jean le mette sur la patinoire, mais ça va rester une décision du groupe hockey. Mais Yannick est très conscient. Il y a beaucoup de Yannick Jean, de Claude Bouchard, de gars locaux pour le match de vendredi à Robertval. Ce serait illogique, je pense, qu'il ne soit pas dans l'alignement des Sacs vendredi soir. Robert Vall, qui va être... j'ai hâte de vivre ça. Un amphithéâtre rempli à pleine capacité. Ouais. Les prix se sont tous vendus en pré-vente. Merci aux gens de Robert Vall, d'ailleurs, de l'appui qu'ils vont nous faire. On va essayer de vous donner un excellent spectacle vendredi soir quand on va se présenter là-bas. Je peux dire, Sébastien, que Hugo Maltais, le président du hockey mineur, m'a dit, j'aurais à la blague, j'aurais pu, je pense, engager des scalpers pour le match. À force que ça s'est vendu. L'autre gars du Haut-du-Lac, Louis-Philippe Simard, est-ce qu'on va l'utiliser à l'attaque ou à la défense cette année? Ou ça va être quand il est parti du camp d'entraînement, Yannick Jean lui a dit l'an prochain, tu joues dans mes quatre premiers défenseurs, donc entraîne-toi en conséquence. Hier, c'était les tests physiques et Louis-Philippe Simard a été un des top 5 dans toutes les catégories. S'est entraîné comme un déchaîné pendant tout l'été. Tu sais, Louis-Philippe Simard, c'est pas le gars qui a les aptitudes hockey qu'un Nicolas Roy peut avoir, mais du cœur, il pourra en vendre à certains de ses coéquipiers, à beaucoup de monde dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. C'est un exemple de détermination, de rigueur au travail, de sérieux dans ce qu'il fait. Louis-Philippe Simard, c'est un gars plate dans sa vie de tous les jours. Je vais m'expliquer en disant ça. Il se couche à 9h30 le soir sur la route. Il a demandé d'avoir ses repas plus de bonne heure que les autres parce qu'il aime ça se coucher tôt, se lever tard, se reposer puis être prêt pour ses matchs. C'est un gars sérieux. C'est un gars efficace. L'an passé, ça a été une belle surprise. A réussi à chausser. Écoute, il avait joué un an, puis oui, comme défenseur, puis on l'a remis dans le bain dans les Ligues de hockey junior majeur du Québec l'année passée. Quand c'était arrivé, c'était en Abitibi, quand Julien Carignan s'était fait suspendre pendant quelques matchs là-bas. À la suite d'une mise en échec à Julien Gauthier, d'ailleurs, un des espoirs de la Ligue nationale pour les prochaines années des Foreurs de Val-d'Or. Louis-Philippe Simard a réussi à lever la main puis a tenu le fort pendant ce temps-là. Puis cette année, c'est une belle chance pour lui de se faire voir comme défenseur. Il a très bien fait l'année passée. Cette année, il va jouer top 4. Ça va être magnifique de le voir sur la glace au Centre Georges Vézina. OK. On va le voir. Ça va être le fun également. T'as parlé des postes disponibles. Il y en a-tu pas mal? Tu m'as dit qu'il y avait quelques postes. Je sais qu'il y en a des gens, mais lorsque je les rencontrais à Saint-Félicien pour son école de hockey, il me disait qu'il y avait des gars disponibles. Il y avait des postes disponibles. Comment t'en vois, toi? Il y a au moins un poste de défenseur. Marc-André Govreau a décidé de ne pas se présenter cette année pour suivre ses études en technique policière du côté de sa région natale, c'est-à-dire Gatineau. Il va lui souhaiter la meilleure des chances, d'ailleurs, dans son cas. C'est un bon bonhomme qui aurait sûrement eu sa place cette saison, mais rendu à 19 ans, il faut que tu fasses des choix dans la vie, puis je respecte la décision qui a été prise dans son cas. Mais ça laisse un poste pour un jeune ou encore, comme Yannick Jean le dit dans les médias ce matin ou dans les quotidiens, que ça vienne d'une autre organisation, mais il y a un poste de disponible du côté des défenseurs. Et du côté de l'attaque, il y en a au moins 4, voire 5, je dirais, qui pourraient se tailler un poste du côté de l'attaque. Puis là aussi, tu sais, il reste toujours le cas du deuxième européen à régler. C'est toujours pas fait. Mais peut-être 4 ou 5 postes supplémentaires qui pourraient être comblés avec les recrues ou encore des échanges qui seront faits par Yannick Jean, le directeur gérant, dans les prochains jours. Je pense qu'on attend le joueur qu'on a repêché en première ronde, des Flyers de Philadelphie. On l'attend pour les fêtes. On espère, en tout cas, que ce soit là après les fêtes, hein? Moi, je pense, très honnêtement, puis j'en ai pas discuté avec Yannick Jean, que si la Super Série au Défi Canada-Russie au mois de novembre, on n'a pas de nouvelles dans son cas, ce sera partie remise ou encore faudra décider qu'on va vers un autre projet, c'est-à-dire attirer un autre joueur européen pour terminer la saison avec les Sags. C'est un poste important dans une saison qui risque d'être plutôt bonne du côté des résultats chez les Saguenayens, avec Nicolas Roy en dernière saison, Julio Bilia, Frédéric Allard probablement aussi de son cas, va signer visiblement en pro dans les prochaines années avec les Predators de Nashville et ne reviendra pas comme 20 ans dans la LHJMQ. Je pense qu'il faudrait qu'on ait Rupsoff, mais si ce n'est pas le cas, on va mettre nos billes d'un autre côté. Mais ce serait tout simplement génial d'avoir un gars de ce talent, un joueur complet. Si ça n'avait pas été des scandales de Meldonium l'an passé, il serait sorti pas mal plus bas qu'il l'a été dans la Ligue nationale cette année avec les Flyers de Philadelphie. Mais tout le monde a espoir qu'ils réussissent à quitter la Russie pour venir jouer en Amérique du Nord. Les Flyers le veulent, les Saguenayens le veulent. Le jeune, semble-t-il, est très ouvert à le faire. Son agent aimerait qu'il vienne poursuivre sa progression et son apprentissage en Amérique du Nord avant de percer dans la Ligue nationale. Reste à savoir s'il va évoluer sur les 2 ou 3 premiers trios dans son équipe de la KHL. Si ce n'est pas le cas, je pense qu'ils devront penser à le libérer ou encore les Flyers racheter son contrat là-bas puis de l'amener avec les Sags, ce qui serait toute une acquisition, toute une prise de la part de Yannick Jean. Puis le guest qu'il aura fait au repêchage européen aura été payant. Il s'est mis en ligne à ce moment-là, avait aucune certitude que le joueur viendrait. ce serait très plaisant qu'il vienne, puis on espère, on se croise les doigts que ça se fasse dans les prochains mois. Sébastien Morin, très intéressant, on se repart. On se voit vendredi à Robertval, parce que je vais être là, puis on se parle lundi prochain à Donnerzo Sport. Salutations à tout le monde du lac. Merci beaucoup, Sébastien Morin, la voix des Saguenay de Scoutimi.